tard, mon perfume, rien ne bouge. La cigarette fait un point rouge. Ils n'entendent même pas le bruit que font mes pas. Je passe devant la chambre de ma mère. Elle doit lire elle ou Marie-Claire. De Borel, c'est elle que mes nuits sont brèves. Il est grand temps que nous vivions ensemble, avec des enfants qui auront des yeux bleus. C'est ce que tu Elles sont mariées, mes amies du collège. Elles connaissent les joies du piège qui peu à peu se ferme sur le plus beau des rêves. Leurs enfants les jugeaient, c'est bien normal, puisque même ils se jugent mal. On boit, on rit, on fait comme si de rien dit pouvoir préserver notre amour, et pourtant tu vois bien qu'autour de nous on se déchire sans haine et sans rien dire. Tu nous compares à l'oiseau de voyage, mais notre vie